Tu es là, Philippe? Tu joues, hein? Est-ce que tu entends ma voix ? Sature. Sature ma basse. Thank you. Thank you.